j'étais enfant pendant la guerre, mais si j'avais dû vraiment m'engager, si j'avais eu 18-20 ans, qu'est-ce que j'aurais fait? Mais il ne faut pas se vanter d'être pacifiste, parce que c'est comme dire qu'on est à l'abri de la colère ou de la haine. Ce n'est pas possible. Mais ce qui m'a frappé, et c'est la raison pour laquelle nous commençons ici, sur cette place du Monument aux Morts, ce qui m'a frappé, c'est qu'on a pu, en 1870, en 1914, en 1939, précipiter un pays comme la France dans la guerre. Et c'est un mystère. Comment a-t-on pu convaincre les gens qu'il était juste d'envoyer à la boucherie tant de jeunes gens? À la fin d'une guerre, le vainqueur peut à la rigueur administrer au vaincu des leçons de boucherie, il ne saurait lui donner des leçons de droit, de justice et de vertu. Ce n'est pas parce qu'on a gagné une guerre qu'on est plus propre que le vaincu. Bon, et maintenant j'ai quand même un aveu à vous faire. Il se trouve que je suis sujet britannique et citoyen français. Il se trouve que pendant la guerre, subissant l'influence de mon père et de ma mère écossaise, j'étais férocement anti-allemand. J'ai entendu un jour le président Pierre Laval, le bras droit de Pétain, dire qu'il souhaitait la victoire de l'Allemagne, et on arrête la citation. Et sur mon pupitre de bois, j'ai gravé au couteau en grand caractère et qui se détachait vraiment, c'était de la folie, j'ai écrit « Mort à Laval ». Et on m'a obligé à défaire l'abattant de mon pupitre, à le montrer à mon père. J'ai montré cet abattant de pupitre à mon père. Il m'a dit que j'avais perdu la tête, qu'il n'y avait pas lieu de faire des choses pareilles, qui évidemment mettait en danger ma mère. Qui veut noyer son chien l'accuse de la rage, et je pense qu'il est très très facile aujourd'hui pour discréditer quelqu'un qui s'aventure sur ces terrains-là, de dire c'est un antisémite ou c'est de l'antisémitisme, il est contre le peuple juif, de la même façon que le tribunal de la Sainte Inquisition disait à Galilée, écoutez Galilée, si vous nous racontez ce que vous racontez, nous le savons très bien, c'est la haine de l'écriture sainte, des institutions qui dictent vos propos, qui dictent votre conduite. Regardez ce que j'apporte à l'appui de ce que j'affirme au terme de mes recherches. Prenez ces choses-là, comme on dit en anglais, « at face value ». Vous l'avez là. Les révisionnistes sont des gens qui pensent que si on a vu une fois, on n'a rien vu, et qu'il faut revoir, revoir de près, se méfier des documentaires, qui bien souvent sont des documenteurs. Il faut revoir, plan par plan, ce qu'on vous a fait ingurgiter. Et vous allez mesurer la distance qu'il y a entre ce que dit le commentaire et ce que montre le commentateur. La distance est considérable. Je pourrais vous citer les articles 19 et 21 du statut du tribunal de Nuremberg. Je vais le faire. Le tribunal ne sera pas lié par les règles techniques relatives à l'administration des preuves. Oui, ça a gonflé ça quand même. Comme vous dites, c'est gonflé, mais il y a plus gonflé qui est l'article 21, lequel dit « Le tribunal n'exigera pas que soit rapportée la preuve des faits de notoriété publique, mais les tiendra pour acquis. » Ça veut dire « nous nous dispenserons de la preuve ». Avec mes étudiants, par exemple, nous prenions un documentaire court et nous le regardions trois fois. Une première fois avec le son, une deuxième fois sans le son, et une troisième fois à nouveau avec le son. Et alors, ils étaient stupéfaits par la distance qu'il y avait entre ce qu'on vous montrait, ça pouvait être par exemple, je ne sais pas, moi, des cadavres. Non, non, non, on vous les montre, et puis là-dessus, on bâtit tout un commentaire, et c'est ahurissant. À tout prendre, si je dois être quelque chose, c'est plutôt enquêteur. Et je veux aller voir sur place. Mon principe est encore une fois un principe, c'est peut-être un peu Sherlock Holmes, mais c'est britannique. C'est, on me parle d'un extraordinaire pudding, absolument fantastique, et je dis aux gens, écoutez, c'est très simple, bring me the pudding. Ah, c'est Céline qui a dit, la rage de mentir et de croire s'attrape comme la gale, quelque chose de ce genre-là. C'est normal. On rapporte, on a entendu dire, on fait l'homme ou la femme informée, on a lu son journal, on se prononce sur des sujets très difficiles, et péremptoirement, je dois dire que moi, par exemple, en politique, je vais peut-être vous étonner, je crois être un homme du centre. Passé quelques jours ici dans vos archives photographiques et nous avons exhumé quelques petites perles. Vraiment, pendant la guerre, nous avons connu la faim dans la famille. Ça a été abominable. Oui, les enfants ont l'air assez amaigris. Et regardez comme nous sommes efflanqués. Oui. Enfin, les garçons, les filles résistent mieux. C'est vrai. Oui. Mon surnom étant Menon, parce que paraît-il, on m'avait un jour demandez mon nom, et j'avais répondu « je suis Menon », voulant dire par là que « je suis mignon ». Alors, je pense que l'opinion générale sur sera d'accord avec vous, bien sûr, a changé. Et qu'à la maison, à table, il y avait mon père, très pater familias. Alors que l'on voit ici. Ah, oui. Voilà. On en parlera peut-être juste après. Le voici. Le voici. Et puis, en face, ma mère, et puis les sept enfants. Les sept enfants n'avaient pas le droit à la parole. Si jamais nous voulions dire quelque chose, il fallait demander la permission. Et nous avions très souvent à table des gens particulièrement intéressants que mon père invitait. Et je me souviens, on a reçu des Japonais, des Chinois, des Américains. Et il y avait un personnage très important que j'oublie, le chat Pompon, qui lui avait tous les droits, y compris de monter sur la table, et qui nous donnait donc l'exemple de l'indiscipline, dans une famille très disciplinée. Et regardez, l'enfant qui paraît timide, oui. Je crois que je n'ai jamais été timide, et qui a les yeux baissés ici, c'est votre serviteur. Voici. C'est Miller. Alors, l'auteur de Tropique du Cancer. Voilà. Et ça se passe au sanatorium des étudiants de France de Saint-Hilaire-du-Touvet, dans l'Isère. Vous êtes sur la photo ? On vous voit ou... Non, on ne me voit pas. Attendez. Mais vous êtes parmi les convives. Je ne crois pas. Oui. Mais c'est-à-dire, c'est moi, figurez-vous, qui ai surtout posé des questions. Oui. J'ai rencontré cet homme, mais enfin j'avais été surtout très frappé par l'extrême beauté de la femme qui était avec lui. Alors qu'il se trouve où sur cette... Oui, la photo n'est pas bien bonne, hein. C'est oui. Celle-ci. Oui. Je sais une que c'est... Femme, donc, il paraît qu'elle était d'origine irlandaise, elle avait des yeux verts. Alors, mes petites chéries particulières étaient bien sûr les élèves de grec, elles étaient très peu nombreuses. Le lycée de jeunes filles avait été l'immeuble, paraît-il, pendant la guerre, qu'occupait le ministère de l'Intérieur du maréchal Pétain, donc. Et c'était épouvantable. Ça avait été un ancien hôtel, puis ça avait été un immeuble administratif. Pas de cours de récréation. À mon avis, le seul lycée de France qui n'avait pas de cours de récréation. Alors, moi qui suis un peu physique, j'ai fait du pétard, j'ai trouvé que c'était inadmissible. On a fini par créer dans le parc des Célestins un espace qu'on a qualifié donc de cour de récréation. Et je me donnais la peine de descendre les élèves, hein, ce que des collègues fainéants ne faisaient pas. Et dans la cour de récréation, je disais interdiction de s'asseoir, de rester immobile, vous marchez ou vous courez ou vous sautez, je veux que vous bougiez. Voilà. Très bien. Et on m'obéissait. Et à l'époque, j'étais maître de conférence à la Sorbonne. Et le maître de conférence se repose. Là. Et là, ma spécialité se trouvait être la littérature française moderne et contemporaine. Et c'est à l'époque, d'ailleurs, je crois, où vous passez chez Pollack pour parler de Lautréamont. C'est juste, c'est dans ces années-là. Mais oui, hein, c'est exact. Oui, oui, oui, c'est en 72, 73, par là. On peut dire que j'ai été connu pour ce que j'appelle mon révisionnisme littéraire à partir de 1961. J'ai publié un texte assez court qui s'intitulait « A-t-on lu Rimbaud ?» Ce qui m'intéressait, c'est que je découvrais qu'un auteur qu'on me présentait comme en quelque sorte échevelé, anarchique et tout, était exactement le contraire. Exactement. Alors vous avez fait Lautréamont, donc c'est votre après, c'est assez oui, et alors ma thèse s'appelait « La bouffonnerie de Lautréamont » et j'ai publié ensuite un livre qui, bien sûr, s'appelait « A-t-on lu Lautréamont ?» Dont la thèse était une nouvelle fois scandaleuse. Écoutez, oui, vous pouvez dire scandaleuse, moi je n'y peux non, rien. Non, elle a fait scandale. Elle a fait scandale, elle voilà. Elle a fait scandale oui, parce que... Il y a eu une affaire, il y a eu une affaire Rimbaud après. Oui, oui. Oui, parce que beaucoup de gens ont discuté de cette affaire, dans le journal Le Monde et ailleurs. Mais il y a eu une nouvelle affaire, Lautréamont. Alors j'arrive donc à cette soutenance, et puis j'ai le jury, là, et je me demande comment ça va se passer, vraiment. Là je peux vous dire, je n'étais pas timide, certainement pas, mais j'étais angoissé. Je me suis dit peut-être que pour une Votre fois... Votre famille était là, vos parents y étaient. Eh bien, il se trouve que mon père et ma mère sont venus. Et alors, petit détail, j'ai appris ça par la suite. Il paraît que mon père est allé converser aimablement avec un des membres du jury et lui aurait dit ceci. Il est possible que par certains aspects, mon fils vous déconcerte. Il vous déconcerterait moins si vous saviez que sa maman est écossaise. Il voulait dire par là que peut-être il y a une forme de hardiesse, de détermination que vous pouvez, paraît-il, trouver chez les gens d'origine britannique. De cette soutenance de thèse qui était très longue, il y avait beaucoup de monde et le public était très animé. Surtout qu'étaient venus contre-manifester des gens du FAR, Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire, qui à cette époque-là donnait dans Paris un spectacle au Lautréamont. Alors ils avaient entendu parler, grâce à l'émission de Pollack, ils avaient entendu parler de ma thèse et ils entendaient protester. À la fin, il y a eu une bagarre d'ailleurs. Voilà. Léon Poliakov, pour sa part, a écrit une chose stupéfiante. Il a dit « Des archives éventrées du Troisième Reich, on a trouvé tout ce qui était imaginable sur toutes les questions possibles et imaginables, mais sur l'extermination des Juifs, aucun document n'a été trouvé, virgule, n'a peut-être jamais existé. C'est extraordinaire. Les déportations ont existé. Les convois de déportation ont existé. Les camps de concentration ont existé. Les fours crématoires ont existé. Mais est-ce que pour autant on a le droit de dire d'Auschwitz que c'était un camp d'extermination, qu'on a traduit donc en allemand par Vernichtungslager, mais il n'a jamais existé quelque chose qui s'appelait Vernichtungslager. Pas un document. Alors, non, aucun, de même qu'il n'existe aucun document qui ait dit il faut tuer les juifs. Et je suis obligé, vous voyez, on en est là aujourd'hui, je suis obligé de m'interrompre un instant parce que des gens passent et qui pourraient mal prendre ce que je vais dire. Et ces gens pourraient, s'ils portaient plainte contre mes propos, m'envoyer en prison pour un mois à un an. Là où je vais, je prends les dimensions, je fais les analyses possibles, je suis sur le terrain. Voilà. Je dis quelquefois que je m'efforce de travailler comme un membre de la police technique ou de la police scientifique. Technique veut dire sur place, scientifique veut dire que j'en appelle au laboratoire, aux spécialistes, aux chimistes et au reste. Puisque on nous raconte que les Allemands utilisaient le Zyklon B pour tuer les Juifs, qu'est-ce que c'est que le Zyklon B? Bon, il se trouve que c'est du gaz cyanhydrique. Et quand j'ai appris qu'aux États-Unis, les exécutions en chambre à gaz se faisaient précisément au gaz cyanhydrique, j'ai dit, il faut que j'aille voir. Un spécialiste, oui. Il faut que j'aille voir, d'abord, je suis allé voir à Baltimore ce qu'était une chambre à gaz d'exécution. C'est une complication absolument effroyable, parce que le problème auquel les gens ne songent pas est tout bêtement celui-ci. Bon, nous sommes dans une pièce, il est relativement facile de tuer quelqu'un avec de l'acide cyanhydrique. Mais la question c'est, comment vais-je faire pour entrer, d'abord au moment de l'exécution, pour ne pas m'exécuter moi-même, hein, gazer les autres mais ne pas se gazer soi-même, et ensuite, après l'opération, alors que cette pièce sera un océan d'acide cyanhydrique, car il faut tout remplir pour que le gaz vous pénètre de force dans la bouche. Il n'y aura pas de poche d'air. Donc tout rempli d'acide cyanhydrique qui a la particularité de pénétrer les surfaces, d'y demeurer, d'être horriblement difficile à extraire. Comment vais-je faire pour entrer? Et comment vais-je faire pour toucher un corps hautement cyanuré? Leuchter. Revenons, comme vous dites, à Leuchter. J'ai voulu aller voir non seulement une chambre à gaz américaine, mais j'ai voulu voir celui qui m'a été désigné comme étant le spécialiste reconnu aux États-Unis. Fred Leuchter était un type qui était connu pour avoir, par exemple, mis au point le sextant électronique de la marine de guerre américaine, vous voyez, c'est pas n'importe qui. C'était pointu. Et je lui dis, vous savez, à la façon directe des Américains, je m'appelle Robert Forisson, je suis français, je m'intéresse aux chambres à gaz, est-ce que je peux vous voir? Et puis il m'a répondu à l'américaine, oui. Nous allons décider du lieu, de l'heure de la rencontre. Et moi, je vais donc à Boston, je vais dans un hôtel, il fait froid, il y a de la neige, et à un moment, je vois arriver donc ce Fred Leuchter, je ne connaissais pas. Et là, je ne veux pas tout de suite casser le morceau. Je ne veux pas lui révéler que je ne crois pas aux chambres à gaz nazies. je lui pose des questions, et notamment la question suivante. Les chambres à gaz des camps, ça a existé ? Ah ben bien sûr, me dit-il, mais oui. Bon, et je lui dis, est-ce que vous en avez vu ? Là, il hésite, je ne me rappelle plus d'ailleurs très bien ce qu'il me répond. Mais en tout cas, ça signifie qu'il n'en a jamais vu. Bon. Et je lui dis, mais je pose la question suivante. Je lui dis, mais comment vous représentez-vous une chambre à gaz où on aurait pu entasser comme ça des centaines ou des milliers de gens ? Silence. Et tout d'un coup, il me dit, bon, bien écoutez. Je vois, alors il me décrit des bâtiments de briques, une haute cheminée, et puis des gardes postés autour, et il me donne une distance absolument énorme pour l'emplacement des gardes. Je ne me rappelle plus ce que c'était, et je lui dis, attendez, qu'est-ce que c'est que cette histoire de gardes que vous postez comme ça? Il me dit, mais c'est parce que le vrai problème, c'est celui de l'évacuation du gaz, n'est-ce pas? Alors, comme on ne sait pas quel va être le sens du vent, il faut qu'à distance, les gens puissent se déplacer au moment de l'évacuation. Bon. Et là-dessus, je me mets à lui sortir des plans que je vais vous montrer. Attendez, je vais vous donner la suite, on regardera les plans. Et puis, je pose tous ces plans sur des lits qui se trouvent là. Et là, je fais l'hypocrite. Je lui dis, écoutez, vous savez, mon anglais n'est pas bien bon. Alors, je vais prendre note de vos réponses. Et puis, je vous ferai lire vos réponses. Alors, je lui pose une série de questions, et puis tout d'un coup, je vois que l'homme est de plus en plus intrigué, et se dit... Comment ça se pose des questions ? Et se dit, mais il y a une expression américaine, c'est... ça sent le rat. Ouais. il y a quelque chose qui cloche. Bon, très bien, et ça, c'est l'entrevue à Boston, et puis à la fin, je lui fais signer le texte dans lequel il tient des propos qui confirment pleinement ce que je pouvais avoir dit sur l'acide cyanhydrique, sur le gazage, sur la ventilation et le reste. Et puis, il est d'accord pour venir à Toronto, pour voir les plans que j'ai découverts à Auschwitz, et qui étaient cachés. C'est un plan d'un grand crématoire d'Auschwitz qui a fonctionné à partir de mars 1943. Voilà. Et que vous avez ? Alors, figurez-vous que... C'est moi qui les ai découverts, j'ai été le premier à les publier. Moi, je suis réputé faussaire, enfin c'est le faussaire donc qui a découvert les plans. Alors ce sont les plans des... Ce qui nous intéresse là-dedans, vous voyez, ça, ce sont les fours crématoires qui sont là, à plusieurs bouches, enfin peu importe. Ce qui m'intéressait particulièrement, c'est que quand j'ai découvert ces plans, j'ai découvert... le mot fameux maintenant de Leichenkeller, ça c'est Leichenkeller 2, ça c'est Leichenkeller 1, voilà, c'est ça qui surtout m'intéressait. Oui, il n'y avait pas Gaskammer, ni... Il n'y avait pas Gaskammer ou des choses comme ça, et Leichenkeller veut dire, si vous voulez, cellier ou cave à cadavre. Alors ça, ce sont les plans que vous avez retrouvés, oui. Copie donc, plan... Oui, copie. Du plan que vous avez trouvé à Auschwitz même. Oui, je vous dirai comment. Dans les archives polonaises. Voilà, je vous dirai comment. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que ces plans, il est évident que je les ai présentés à un fabricant de four crématoire en France, hein, dans la région parisienne. Et je vais vous rapporter une très curieuse réflexion. Ce directeur de cette usine où on fabrique ces choses-là, avait un collaborateur. Et il voit ça, et sans même essayer de déchiffrer, il dit à son collaborateur, oui, c'est très normal, oui, ça c'est du 7-8 mètres. Et en effet, dites, c'est bien ça. Alors, je me tourne vers lui, je lui dis, mais qu'est-ce que ça veut dire votre réflexion, c'est du 7-8 mètres? Il dit, mais oui, c'est ce qu'on appelle un dépositoire, c'est-à-dire que, regardez, c'est en cul-de-sac, hein, là, et puis vous avez 2 mètres de prévu pour un cadavre, en face 2 mètres également, et au centre vous avez 3-4 mètres pour le mouvement des chariots. Donc c'est typique, c'est absolument typique, il n'y a rien d'extraordinaire. Voilà. Alors, par la suite, évidemment, les menteurs sont venus dire « Ah, mais attention, vous comprenez, les Allemands, ils n'allaient pas mettre gaz cammer, c'est codé tout ça, nous allons décoder. » Et le résultat de notre décodage, c'est que c'est chambre à gaz. Hein? Voilà. Alors, jusqu'au moment où j'ai dit « Assez décodé, essayons d'être sérieux. » Et puis, j'ai donné toutes sortes d'arguments techniques qui prouvaient que ça ne pouvait pas être une chambre à gaz, qu'il n'y avait aucun système de ventilation. Et puis, surtout que, alors ça, c'est sur place à Auschwitz, parce qu'il faut aller sur la scène du crime. Il n'y a jamais eu ces ouvertures dans le plafond qui auraient permis de verser du zyklon, enfin, toute cette espèce de roman. Voilà, et ça, alors voici en coupe, hein, Leichenkeller 1, Leichenkeller 2. C'est très important, c'est ce que tous ces gens visitent. Alors, on leur dit, vous voyez, quoique les récits varient, hein, eh bien, les malheureuses victimes pénétraient par ici, et puis quelqu'un dans le plafond était là qui déversait des granulés de zyklone, et puis l'acide cyanhydrique se développait, le gaz cyanhydrique. Et puis là, vous avez la porte qui donne sur la salle des fours. Hein, et puis ici, une petite porte misérable, ça c'est vraiment extraordinaire. La petite porte est de bois et elle est en partie vitrée. Vous imaginez si vous aviez mis des gens là-dedans, un coup de coude, hein, et puis vous brisiez la porte. En plus, j'ai noté que la porte s'ouvrait vers l'intérieur, c'est-à-dire là où auraient été les cadavres. Et puis, je rappelle que le zyklone ou le gaz cyanhydrique est explosible et que ça serait une folie que d'aller mettre ça à proximité de la salle des fours, où vous avez des fours à 900 degrés. C'est complètement fou. Ah oui. Alors, par comparaison, c'est une bonne idée, oui, bonne idée. Regardez la complexité d'une chambre à gaz pour l'exécution d'une seule personne. Alors ça, attendez, ça c'est une chambre à gaz de désinfection à Auschwitz, hein. Ça aussi, vous voyez déjà, oui, pour, oui. Pour des habits, c'est-à-dire dont il est relativement facile, après, de chasser l'acide cyanhydrique. Souffle d'air chaud, souffle d'air froid, rassemblement des vêtements, on voit bien, mis en tas. La différence avec cette petite, oui, porte, oui, et cette porte-ci. Voilà. Hein, voilà, il suffit, par exemple, de voir la différence entre, voilà, cette porte et cette porte. Est-ce, voilà, qu'on a besoin... Chambre à gaz américaine. Oui. Homicide, donc, enfin, d'exécution. Oui. Et chambre à gaz d'Auschwitz. Voilà. Alors, nous avons bien d'autres photos, probablement aussi. Mais tout ceci pour vous dire, je veux revenir à la chambre à gaz américaine. Vous savez, le condamné, il est relativement facile de l'exécuter. La grosse question, c'est pour le médecin et ses deux assistants de pénétrer après, environ une heure après, dans le local pour en retirer le cadavre. Alors, vous avez une. Vous avez cette espèce de chambre qui est d'acier avec du verre herculite, c'est-à-dire très très solide. Pourquoi ? C'est parce qu'elle la hantise. À la hantise de ces gens qui ont fabriqué ça, c'est que le gaz ne sorte surtout pas de la chambre à gaz. Car c'est un gaz, attention, qui ronge. Et après chaque exécution, il faut changer tous les joints d'étanchéité, par exemple. Alors, vous êtes obligé d'avoir une structure solide, et puis pour neutraliser en partie la possibilité pour le gaz de sortir, on crée une dépression. Si vous créez une dépression, le bâtiment risque de s'écrouler. Donc, vous avez besoin qu'il soit en acier, vous avez un pilier de soutènement, vous avez des coupelles de phénol phtaléine qui... Toute chose qu'on ne remarque pas particulièrement. Si, oui, si jamais ça vire à une telle couleur, ça signifie que vos efforts pour ventiler la pièce avec alors une soufflerie très puissante, des ventilateurs orientables qui vont chercher dans les coins... Je suis en train de parler de l'après-exécution elle-même, hein, d'aller chercher tout ce qui peut rester comme gaz. Tout ça est aspiré par un aspirateur très puissant et est envoyé dans ce qu'on appelle, tenez, vous le voyez ici, c'est envoyé dans ce qu'on appelle un barboteur ou un mixeur. C'est censé être neutralisé par de la soude ou ce que vous voudrez. Baltimore, toujours. Toujours. Et à la sortie de ça, vous avez un produit qui va être rejeté par une cheminée qui devra être la cheminée la plus élevée de la prison. Et le jour d'une exécution, les gardes n'ont pas le droit de se promener dans les hauteurs. Vous vous rendez compte ? Bon, enfin, c'est pour ça que d'ailleurs, on a fini par abandonner aux États-Unis... la chambre à gaz, parce que c'est beaucoup trop compliqué. Nous sommes de retour à Auschwitz, oui. Et le personnage qui est ici, c'est moi-même. Oui. Voilà. Et c'est du bricolage polonais communiste. Alors on nous présente ça comme l'orifice par lequel donc, voilà. Les soldats allemands... Alors maintenant, c'est admis. Hein. Maintenant, ils reconnaissent que ça n'a jamais existé. Alors, expliquez, dites de quoi il s'agit exactement. Alors, nous sommes au-dessus du four, enfin, de la prétendue chambre à gaz d'Auschwitz 1. Oui. C'est par là qu'on aurait déversé le cyclone B. Oui. Bon, et l'hôpital SS se trouve ici, à 20 mètres. Oui. Bon. Et en réalité, ça a été fabriqué après la guerre et pour les touristes. Et puis, voilà. Et comme tout y est faux, figurez-vous. Comme dit Éric Conan. Voilà, je vois que vous êtes bien au courant. Attendez, ma découverte date des années 70. Il faudra que j'attende le 19 janvier 1995 pour découvrir un très long article d'Éric Conan, qui est un historien à tout ce qu'il y a de plus orthodoxe. Ami et collaborateur d'Henri Rousseau, R-O-U-2-S-O. Le créateur du terme de négationniste. Voilà, qui nous dénonce comme des faussaires. Je ne sais pas ce qui lui a pris. Tout d'un coup, page 68 de cet article de l'Express, eh bien, vous voyez ceci. Il visite cette pièce. Et il dit, il ne la visite pas simplement, il l'examine, il a fait toute une enquête, et il dit, tout y est faux. Attendez, on va les répéter ces mots, hein. Tout y est faux. Quatre mots. Vous imaginez ma surprise. Il n'a pas été condamné, il a été poursuivi. Et il a ajouté, écoutez bien, parce que faux pourrait avoir une signification bénigne. Non, non, faux au sens de falsification, car il ajoute, à la fin des années 1970, Forisson exploita d'autant mieux ces falsifications que les responsables du musée répugnaient à lui répondre un mot de ce genre-là. Et il a très bien fait son enquête, il est allé voir la sous-directrice du musée, dont il nous donne le prénom et le nom, et cette dame, probablement fort embarrassée, à qui il a dû dire « Attendez, vous ne pouvez pas quand même abuser les gens à ce point », lui aurait répondu, alors c'est cité entre guillemets, quelque chose comme « à propos de cette chambre à gaz », on la laisse en l'état, pour l'instant, c'est trop compliqué, on verra plus tard. Alors ça, c'est une conversation qui a dû dater de 94, puisque l'article est de janvier 95. Nous attendons toujours qu'on désabuse les touristes et les pèlerins d'Auschwitz. Eh bien, pas du tout. Et j'ai vu M. Éric Conant des années après, je lui ai dit, est-ce que ça a été démenti ce que vous avez écrit? Est-ce que... Non, non, me dit-il, pas du tout. Mais j'ai vu un homme qui avait l'air d'avoir vraiment peur, qui se demandait dans quelle affaire il s'embarquait. Hein. J'ai eu cette impression. Alors tout de même, je tombe là sur une photo qui pourrait paraître... de prime abord, étrange. Oui. On vous voit là, oui. Devant un panneau, oui. Dans une salle comprenant des douches, voilà. Visiblement, et qui s'appellerait Gaskammer. Est-ce que vous pouvez nous expliquer où a été prise cette photo, oui. Et en quelle année? Alors, c'est à... Ce qu'elle signifie, bien sûr. C'est à Mauthausen, vers 1988-89, Mauthausen, hein, en Autriche. Et là, ils ont une petite chambre à gaz d'exécution. Hein. On nous dit, voilà, les Allemands tués ici. Alors ça, c'est la totale bouffonnerie, parce qu'ils sont incapables de nous dire comment ça pouvait fonctionner. Vous avez même trois explications. Il y a... Ça a donné lieu d'ailleurs à un dessin satirique de Char. La première explication qui avait été donnée, c'était que le gaz venait par les pommes de douche. Alors, j'ai ici, là, oui, par les pommes de douche, le gaz serait venu alors, par là. Je suis désolé parce que l'acide cyanhydrique aurait rongé tout ça. Mm-hmm. Bon, et puis, oui, on enfin, voit pas spécialement bref, de... peu importe. Oui. Et la deuxième explication, tenez, alors je suis là. Alors, la première explication, ça me vient d'en haut. La deuxième explication, ça vient d'ici. Vous voyez, il y a un conduit, là. Ça venait d'ici. Ah oui, mais comment? Bon, on ne sait pas. Et la troisième explication, non, ça venait de là. Voilà, bon. Alors, vous voudrez... Donc, Gaskammer aurait été rajouté, si on vous suit. Hein. Évidemment. Voilà, alors, après-guerre. Oui, après-guerre, évidemment. Et alors, moi, j'ai dit aux gens là-bas, j'ai dit, mais comment se fait-il, vous vendez toutes sortes de photographies de votre camp, là, de Mauthausen, il n'y en a pas de la chambre à gaz, pourquoi? On m'a répondu, parce que c'est trop cruel. je me suis trouvé là, alors j'ai amené Leuchter. Leuchter est venu faire son enquête, il avait fait à Majdanek, il l'avait faite à Auschwitz et Birkenau, il l'a faite aussi à Dachau, il l'a faite à Mauthausen, il l'a faite... Non, non, non, non, tout ça c'est faribole. Alors passons à une autre personnalité marquante de la scène révisionniste mondiale, Ernst Zündel. Ernst Zündel est d'origine allemande, mais il est né, je crois, en 1939, et donc il était enfant pendant la guerre, en en Forêt-Noire. Et cet homme-là a voulu quitter son pays, l'Allemagne, dégoûté par ce qu'il croyait que l'Allemagne avait pu faire, et ne voulant surtout pas faire de service militaire, il a donc cherché un pays où il n'y ait pas de service militaire. Et il a choisi le Canada. Je pense l'avoir beaucoup aidé dans ces deux grands procès, l'un de 1985, l'autre de 1988. Et les associations juives canadiennes avaient porté plainte contre lui. Ils le poursuivaient pour propagation de fausses nouvelles ou quelque chose de ce genre-là. Et les procès, figurez-vous, ont duré pour le premier, je crois, 7 semaines, et le deuxième, 4 mois et un quart. Ben, je ne suis pas tout à fait sûr, hein, mais ça a été très long. Et attendez, ce ne sont pas des procès à la française ou à la 17e chambre. En une après-midi ou deux, on règle de questions très très importantes à la française, c'est-à-dire comme ça, hein, au pied levé, où le juge se croit juge de l'histoire. C'est absolument lamentable. Là, il y a transcription. Alors, j'aime autant vous dire que ça en fait de la distance sur les rayons, hein, la transcription de ces procès. Oui. Mais je vais essayer de vous résumer ces deux procès considérables. Je dirais ceci, nous avons réussi à tuer l'expert numéro un de ce que nous appelons l'exterminationnisme. Nous avons tué Raoul, R-A-U-L, Hilberg, H-I-L-B-E-R-G. Qui est mort officiellement quelques années plus tard, tout de même. Qui est mort il n'y a pas très très longtemps. Il y a un an. Nous avons tué le témoin numéro un, le meilleur témoin possible, et qui était Rudolf Verba. Ça s'écrit V-R-B-A. Donc il avait écrit un livre au titre, enfin, oui, c'est oui. Extraordinaire. Alors, un livre où on nous disait que, dans la préface, que c'était d'une précision, que c'était remarquable, quel scrupule dans ses souvenirs d'Auschwitz. Alors, bon, puisque vous me mettez sur le sujet de Verba, ben on va le régler très vite. Verba, épouvantablement coincé par les questions que nous lui posions, a fini par dire, avec cet air de satisfaction qui ne l'a à peu près jamais quitté, et il a dit « Oui, mais enfin, vous savez ce que c'est que la licentia poetarum ». La licence poétique. La licence des poètes, la licence poétique. Alors, évidemment, l'avocat de Zundel a bondi et a dit « Attendez, vous êtes en train de nous dire que dans votre témoignage présenté comme sec, précis, exact et même à un point incroyable, vous avez mis de la licence poétique ». Alors là, il ne savait plus quoi dire, quoi faire. Il avait notamment parlé d'une visite de Himmler en 43 à Auschwitz. Bon, il l'avait complètement inventé, et c'est ça qui l'avait obligé à dire licence poétique. Et il faut que vous sachiez que dans ces procès, il y a ce qu'on appelle à la fin le réinterrogatoire. Le procureur se lève. Le procureur, c'était lui qui avait obtenu que Verba vienne témoigner, que Hilberg vienne. Et là, ce procureur qui, au fil du procès, s'était physiquement décomposé. Il avait découvert que vraiment les révisionnistes avaient joliment préparé leur défense et que lui, il avait affaire à des farceurs. Et l'avocat figurez-vous, enfin, pardon, le procureur a exécuté son propre témoin. Et notamment, il lui a posé la question suivante. Dr. Weber, dans votre témoignage tout au long de ces journées, avez-vous utilisé la licence poétique? Vous imaginez la question qui tue. La question qui tue. Quant à Hilberg... Quelle était sa réponse? Donc, alors, je ne sais pas, il faudrait aller voir le transcript. Visiblement, il n'avait pas convaincu le procureur. Non, il n'avait pas convaincu. Il n'avait convaincu personne. Et il y a une photo. Voilà, elle vaudrait la peine d'être retrouvée. Hein. C'est une photo qui vous présente... Il y a deux photos. Oui. La photo de l'arrivée de Verba. Alors, avec une foule de caméras, de journalistes, il est le héros. Il va liquider Zundel, Forisson et compagnie. Et la photo de Verba à la fin, il est absolument seul dans cette cour, cet avant-cour du tribunal, avec un air sinistre. Il est à poil, quoi, c'est terminé. Et Hilberg... Alors, Raoul Hilberg... Qui est quand même considéré comme, disons, l'autorité, le pape, on va dire. Ah oui, vraiment. Il est le pape, oui. Si vous dites Raoul Hilberg, vous n'entendrez pas de gens dire « Ah ben non, il y a Reitlinger ou il y a un tel... » Oui, c'est pas de la petite bière. Non, non, oh, pas du tout, pas du tout. Alors, juif d'origine autrichienne, citoyen américain, professeur d'une université du Vermont, et qui a écrit un livre qui s'appelle, je traduis de l'anglais, n'est-ce pas, La destruction des Juifs d'Europe, 1961. Si vous prenez ce gros livre, vous vous apercevez que Hitler a donné deux ordres pour tuer les Juifs. Un premier ordre disant « Allez les tuer là où ils sont, c'est-à-dire à l'Est », et puis, un deuxième ordre qui est rassemblez-les, déportez-les pour les amener dans des abattoirs où on pourra ainsi les tuer. Et il osait nous expliquer que tout avait été bien calculé, qu'il y avait eu de multiples, on verra ça plus tard, oui, de multiples instructions, des ordres, tout ce que vous voudrez. Et arrive donc ce grand procès. Hilberg, les mains dans les poches, sûr de son affaire, on l'interroge, il développe sa thèse, arrive le moment du contre-interrogatoire. Oui. Et là, eh bien, nous commençons par une question très simple. Nous lui disons, nous allons vous lire une liste de camps de concentration. Vous allez nous dire lesquels vous avez visités, combien de fois pour chaque camp et combien de temps à chaque fois. Et... J'avais fait exprès, c'était moi qui préparais les questions pour l'avocat. Je travaillais une bonne partie de la nuit, et au matin, il trouvait les questions à poser et la documentation. Et c'était un type remarquable, de battling barrister, vraiment l'avocat. Douglas Christie. Douglas Christie, fort bel homme, d'un courage remarquable, très hardi. Et alors, on lui pose cette question, et tenez, Buchenwald, on fait exprès de prendre Buchenwald. Non, je ne l'ai pas visité. On donne un deuxième... C'est sa réponse. C'est la réponse de Hilberg. La deuxième question, c'est je ne sais quel camp. Il nous coupe et il nous dit, je n'en ai visité aucun. Si, j'étais à Auschwitz, mais on s'aperçoit qu'il était allé à Auschwitz, mais pour une cérémonie ou une chose de ce genre-là. Il n'avait pas expertisé lui-même. Et c'est là qu'on a instantanément vu qu'il était ce que j'appelle un historien de papier. C'est-à-dire un historien qui est dans les documents, qui est dans les papiers, qui peut être extrêmement fort, mais qui n'a même pas l'idée d'aller sur place et de dire « Attendez, moi, je veux voir, quand même !» Non, même pas. Et alors, ce qui a été affreux pour lui, c'est que nous avons pris cette édition de 61, la deuxième édition, revue, corrigée profondément, allait paraître quelques mois après le procès, et nous lui disons, attendez, page 177, là, vous dites qu'il y a eu deux ordres d'Hitler de tuer les Juifs. Mais comment se fait-il? Il n'y a pas de note pour nous indiquer la source, le contenu. Comment Hitler a-t-il dit, vous allez les tuer et tout? Où est-ce que c'est? Ah ben, non, finalement, non, non, il n'y avait pas d'ordre. Et ça, ah bon, sachant que ça a disparu de ses livres. Alors, voilà, oui. Ces alors, différentes éditions. Alors, quand plus tard, il aura à réviser tout ça, je vous dirai à quelle conclusion il a abouti. Je dois vous dire en passant que moi, j'ai eu droit à une conférence internationale contre moi et qui a eu lieu à la Sorbonne, où je n'ai pas pu assister parce qu'on m'a refusé l'entrée. Eh bien, Hilberg, à cette occasion, a donné une interview au Nouvel Observateur où il a dit que, quand même, Forisson et compagnie, sans le vouloir, avaient contribué à faire avancer les recherches, les connaissances. Et alors, je me suis rendu compte à la seconde édition que je l'avais fait beaucoup travailler. Et le résultat est stupéfiant. Hilberg conclut ceci, d'ailleurs il l'a dit dans une conférence, et sous serment il nous a confirmé qu'il l'avait bien dit. Alors, monsieur Hilberg, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de budget, il n'y a pas d'instruction, il n'y a aucun document qui atteste de ce qu'on ait préparé avec des médecins, des ingénieurs, des chimistes, ce qu'on appelle chambre à gaz. Il n'y a rien. Il n'y a aucune vérification du travail fait. Surtout, ce qui est très important, il n'y a pas de budget. En temps de guerre, tout se contrôle. Il y a du... Si on entreprend de tuer des millions de gens et qu'il va falloir toute une opération, il devait avoir un budget attribué à ça. Alors, on voit, par exemple, qu'il y a un budget attribué aux déportations, aux transferts, à tout ce que vous voudrez, à la mise au travail, à l'organisation du camp. Mais sur ça, là, ce que vous appelez la destruction, que les autres appellent génocide, Shoah, Holocauste, est-ce que je sais, qu'est-ce qu'il y a? Alors, je vous donne le résultat du voyage. Le résultat est le suivant. Eh bien, tout cela s'est passé spontanément. Dans la bureaucratie allemande, par un phénomène qui est le suivant, une incroyable rencontre des esprits, une télépathie consensuelle. Alors, il faut que je vous donne les mots anglais, quand même. Le mot de Hilberg, non, par anglais. C'est Raoul Hilberg qui dit ça, le plus grand massacre de tous les temps s'est passé, du fait des assassins, par an incredible meeting of minds, une incroyable rencontre des esprits, et moi je saute sur incredible. Je dis, oh, excusez-moi, si c'est incroyable, pourquoi m'obligez-vous à croire? Bien sûr. Bon. Et, bonne question. Virgule, et consensus mind reading, c'est-à-dire mind reading, c'est la télépathie, c'est lire dans les esprits, pensée, oui. La lecture de pensée, voilà, consensuel. Donc, on n'a pas besoin de consensuel. C'était fantastique. Moi, je me souviens que ce jour-là, quand il a reconnu que c'était ça, sa thèse... Il faisait appel au paranormal, en quelque sorte. C'est le paranormal. En reconnaissant que c'est incroyable. C'est le paranormal. C'est incroyable, mais c'est comme ça. Ça s'est fait par l'opération du Saint-Esprit. Et puis voilà. Ils étaient tous tellement méchants que ça y est, les bureaucrates, et surtout le bureaucrate allemand, vous imaginez le bureaucrate allemand qui est là et qui passe ses journées à faire de la télépathie consensuelle et qui dit « oui, oui, alors on va tuer, et puis à tel endroit, et puis on va faire ça de telle façon ». Non, c'est fantastique, ça. Avec le directeur de ce tout petit camp musée, voilà, très bien. Là, vous êtes devant une plaque, oui, peu importe. Vous avez tout le plan. Là, je pense que ce devait être le sous-directeur qui, arrivant il un vous jour... vous a fait la visite, sachant qui vous étiez, non. Non, pas du tout. Non. Et un jour, il arrive, je crois, à vélomoteur, il m'aperçoit au loin... en train de prendre justement les dimensions d'un terrain, et fort en colère, il me dit « Mais qu'est-ce que vous faites là ?» J'avais mon interprète de polonais, « Qu'est-ce que vous faites là ?» Et je lui dis « Mais voilà, moi, je m'intéresse à Treblinka, et j'ai l'intention d'écrire, et quand je traite un sujet... eh bien, j'ai besoin d'aller sur place, me rendre compte, de prendre les dimensions. Ah, me dit-il, il a cette parole merveilleuse, c'est de gens comme vous que nous avons besoin. Oh, très bien. Voilà. On vous voit attablé avec... Alors là, nous arrivons à quelque chose de très important. Très important. Il y a quelqu'un avec vous qui a l'air effectivement d'une personnalité oui. locale, peut-être. Oui, et je suis très content d'avoir retrouvé ce personnage. Dans le film de Lanzmann, qui s'appelle Shoah, vous voyez un personnage qui a pris la tenue du cheminot. Il est le chauffeur de la locomotive, alors cette locomotive comparable à celle qui, autrefois, transportait les Juifs de Varsovie pour, paraît-il, les gazer à Treblinka. Eh bien, ce chauffeur, on le voit se pencher et faire ce signe. Il disait qu'il se tournait vers les Juifs et puis qu'il faisait ça. Bon. Il nous est présenté par Lanzmann comme le témoin le plus important, peut-être, des gazages à Treblinka. Et on nous raconte que jour après jour, il amenait ainsi les malheureux juifs dans ce camp. Nous l'interrogeons pendant plusieurs jours. L'interrogatoire sont enregistrés sur caméra, mais nous nous apercevons très vite qu'il n'est pas possible de l'interroger l'après-midi. Oui. Non. Et il nous a dit, puisque c'était lui le chauffeur de locomotive, il nous a dit « Oh, monsieur Lanzmann, oh, il était merveilleux. Oh, vous savez, il m'a fait cadeau de 20 Espagnols. » Et il paraît, c'est un ami qui m'a appris cela, qu'il y avait eu une foire aux vins espagnols à Varsovie dans ces années-là. Et il ne tarissait pas d'éloges sur Lanzmann, et il nous raconte l'histoire habituelle de Treblinka, qu'on amenait les Juifs, qu'on les gazait, et puis voilà, t'y pas, qu'un matin, où il n'était pas sous l'effet de l'alcool, j'ai pu le faire parler un peu sérieusement, et il m'est venu à l'idée de lui poser la question suivante. Mais alors, autrement dit, jour après jour, vous avez amené les Juifs à leur mort. Ah, me dit-il, ah ben non, non. J'ai dit, comment ça ? Ben non. Je ne le savais pas. Mais quand avez-vous su que vous ameniez les Juifs à leur mort ? Ah, me dit-il, après la guerre. Voilà. C'est le donc c'était un témoin, mais a posteriori. Mais voilà, alors, votre formule n'est pas mauvaise. Et je trouve qu'ils sont extrêmement nombreux, les témoins a posteriori. On est persuadé d'être le héros, on est persuadé que finalement on témoigne pour la vérité. Voilà, il suffit de se mettre cette idée en tête. Eh bien, j'ai trouvé que je marquais là un point et c'était intéressant. Alors, ma mimique, vous voyez. Oui, on vous voit assez réjouis. Ma mimique, ce n'était pas à propos de cet aveu-là. C'était à propos d'autre chose, hein, soyons exacts. Mais voilà, voilà ce que racontait le personnage. Ces photos n'ont jamais été montrées. Alors ça, c'est une première. Donc, oui. Les photos n'ont jamais été montrées. Les photos de Rudolf Höss, qui était donc le commandant du camp. Il a été l'un des trois commandants successifs du camp d'Auschwitz. Il a été le plus important. Oui. Et surtout, il a été très important après la guerre, puisque quand moi je réclame des preuves de l'existence des chambres à gaz, on me répond toujours par la confession de Höss. Oui. A priori, une confession faite par un vaincu à ses vainqueurs, c'est quand même douteux. Alors, je vais faire deux choses. En un premier temps, je vais vous montrer ces photos qui n'ont jamais été produites et qui vous montrent Höss à Auschwitz et dans sa famille. Il y a le père, la mère, les enfants. Et vous allez voir l'histoire tragique de cet homme. Il convient de les regarder, ces photos. Le bourreau des bourreaux, Satan incarné, le voici. Voici. Il Rudolf était Höss, assis. Donc. Qui est dans sa maison. Qui est dans sa maison. Dans le camp, hein, oui. À même le camp d'Auschwitz. Ici, vous le voyez avec ses enfants. En uniforme. Il est en uniforme. Petite fête familiale. Voilà. Ça n'a jamais été montré. À nouveau, mais cette fois-ci avec sa femme. Sa femme et ses enfants, ses filles, je crois, son garçon. Ensuite, je vais vous montrer leur jardin. Le père regarde sa femme et ses enfants dans le jardin. Petit potager. Et leur domesticité, c'était des détenus recrutés parmi les témoins de Jéhovah, puisque vous savez que dans l'armée allemande, en Allemagne, le statut d'objecteur de conscience existait. Oui. En France, où on fusillait, où on emprisonnait l'objecteur de conscience. Oui, quand je suis allé à l'armée moi-même, la première question qu'on posait, c'était « Êtes-vous témoin de Jéhovah ?» Voilà. Et si on l'était, on allait en prison. Voilà. Alors, le voici. Voici, ce sont différentes photos. Oui. Bon. Voilà, dans leur jardin, disons. Dans leur jardin. J'en ai d'autres. Je ne vais pas vous en donner toute la série. Je vais vous montrer Madame Höss. Voici. Qui cueille des fleurs dans un champ de manière assez caractéristique. Il y a beaucoup de photos de cette époque qui ressemblent à celle-ci. C'est une pose très. Ensuite, très années 30. Vous la voyez avec une de ses filles. Oui. Voilà. Toujours en train de jouer dans le jardin qui jouxte la maison. La fille avec La fille qui a trouvé une tortue. Et même deux. Ou peut-être deux, oui. Deux tortues, une par main. Oui. Et c'est grâce à elle que j'ai ces photos. Cette femme, je l'ai rencontrée dans les années 80. Aux États-Unis, je ne donnerai pas de précision. Voilà. C'est ça, le monstre des monstres. Alors, on la voit encore, je crois que c'était avec son frère, au bord d'une pièce d'eau. Avec l'un de ses frères. Tenez, je découvre une autre photo de eux sans personne. Eux, au bout du chemin. Voilà. Au bout de la route. Attendez, ai-je autre chose? Je ne pense pas, mais maintenant, je vais vous montrer. Alors ça, c'était la première partie, disons. Première partie, ouais. C'est eux, donc, à Auschwitz, chez lui, dans sa villa. Oui. Et maintenant, je vais vous présenter des photos de eux quand il a été aux mains des Britanniques. Et nous savons, ça a été reconnu par ses bourreaux, qu'il a été vraiment torturé. Ils s'en sont vantés vers 1983. C'est un groupe de juifs britanniques qui s'est occupé de lui et ça a confirmé ce qu'il avait dit dans un texte que j'ai pu avoir par ailleurs, où il disait qu'il avait été traité à l'alcool et à la cravache. C'est-à-dire, on cravache, le type défaille plus ou moins, on le ranime avec un coup de whisky et puis on repart dans l'interrogatoire. Alors, retenez, s'il vous plaît, que la pièce essentielle pour nous faire croire que ces gazages ont existé, c'est la confession de Heuss. Et dans cette confession, voici ce que dit, je résume, Heuss. Il dit, voilà, on entassait 2000, 3000, mais on aurait pu mettre 4000 juifs dans telle pièce. Et alors aujourd'hui, on nous dit, ah, vous voyez, c'est bien... c'est ce qu'ils appelaient l'Eichenkeller, mais c'était une chambre à gaz. On les mettait là, et puis quelqu'un venait par le plafond dans quatre ouvertures déverser des granulés de zyklone. Les juifs criaient. Quand ils avaient fini de crier, nous comprenions qu'ils étaient morts. À ce moment-là, un commando spécial de juifs allait entrer dans la pièce. Alors, exactement, il dit, il faut citer les mots, et dès que c'était fini, on mettait en marche l'appareil de ventilation, et immédiatement, on entrait. Les membres de ce commando spécial entraient pour ramasser les corps et pour les transporter vers... un ascenseur qui les menait à la salle des fours. Et il dit bien que cela se faisait immédiatement. Le mot allemand est Sofort, S-O-F-O-R-T. Mot qui, souvent dans les retranscriptions, est sauté. On veut nous faire croire que la ventilation a duré. Non, non, ils entrent tout de suite. En mangeant, en fumant, et d'une façon négligente, négligée, tirer les cadavres de là. Alors, c'est là que j'ai en quelque sorte mis le holà, et j'ai dit, alors ça signifie qu'il n'y a même pas de masque à gaz. En plus, on ne peut faire, dans un endroit où il y a du gaz ainsi, aucun effort physique. C'est précisément recommandé aux désinfecteurs qui travaillent en équipe. Et on leur dit surtout aucun effort physique parce que le filtre, c'est un filtre très puissant, le filtre J, ne va pas arrêter le gaz. Avec l'accélération de votre respiration, donc vous allez vous tuer. D'autre part, on ne peut pas toucher des corps de cyanuré, c'est impossible. En mangeant, mais alors en mangeant, vous allez manger du poison, vous allez vous empoisonner. Et puis, enfin, toutes sortes d'arguments de ce genre-là. Et puis, pour commencer, il n'y a même pas d'ouverture au plafond, on peut le constater dans les ruines aujourd'hui, mais les ruines, c'est très parlant. Par conséquent, c'est une histoire. Comment se fait-il que Rudolf Höss ait raconté cette histoire? Eh bien, tenez, vous allez avoir l'explication. Oui. Voici l'état dans lequel les Britanniques l'avaient réduit. Voilà, Rudolf Höss. Voilà, à la fin, donc, de la guerre... Donc il a été traqué, prisonnier. Hein, prisonnier. Oui. Ah, il faut quand même que je vous raconte une chose qui est assez terrible. c'est qu'il s'est caché pendant un certain temps après la guerre. Oui. Les Britanniques, évidemment, ont voulu savoir où il était et ils s'en sont pris à sa femme. Oui. Et sa femme a tenu le coup jusqu'au jour où, et ça c'est un, je pense, un scoop, je pourrais citer évidemment mes sources, jusqu'au jour où ils l'ont une fois de plus convoqué. Et là, tout d'un coup, dans cette pièce, elle a entendu les hurlements de son fils. Elle a reconnu la voix de son fils, qui était au-dessus. Elle a craqué. Elle a donné l'adresse. Il a été arrêté dans des conditions décrites par ses tortionnaires, d'ailleurs. Eh bien, cet enfant, sa mère l'a interrogé. Et souvent après la guerre, pour lui dire « Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Pourquoi as-tu crié ainsi ?» Il n'a jamais voulu répondre à sa mère. Il est parti en Australie. Je crois qu'il y est mort à l'âge de 54 ans. Il n'a laissé à notre connaissance aucun écrit, rien. Le voici. Alors, voici le responsable de toutes ces tortures juives et britanniques, c'est le colonel Draper. Regardez son attitude et regardez l'effroi manifeste. Ah oui, là, on voit vraiment malheureux. C'est la bête traquée. Si bien qu'au tribunal de Nuremberg, il faut lire, bien sûr, la transcription de son interrogatoire. Et je vais vous le résumer. C'est Yavol, Yavol. Yavol. Vous avez bien écrit, vous avez bien dit, Yavol, Yavol, Yavol. C'est essentiellement ça. Voilà, regardez sa tête. Oui. Pardon, ici. Est-ce que vous pouvez nous rappeler à quoi il a été condamné et ce qui lui est arrivé après ces événements ? Alors, il a été livré aux Polonais qui l'ont traité, alors, d'une façon comparable. Il y a eu un procès, alors un procès communiste polonais, vous imaginez comme ça pouvait se passer. Ils l'ont condamné à mort et tenez-vous bien, le gibet a été dressé juste devant ce crématoire numéro 1 d'Auschwitz, à propos duquel Eric Conant a écrit « Tout qui est faux ». Donc, s'il vous plaît, le gibet d'une exécution emblématique devant un crime, un instrument du crime qui est faux. C'est un faux. Il a été pendu là. Police un certain nombre de fois, et j'ai eu droit à 4 perquisitions, 5 personnes armées venant pour 4 d'entre elles de Paris et arrivant en conquistador, évidemment. Voilà, alors c'est ça ma vie, c'est je vis dans quand même la crainte, dans l'angoisse, et en particulier pour ma femme, qui quelquefois assiste à ça, parce que ça peut se produire à 6 heures du matin. Bon, ben, la dernière fois, on m'a pris mon ordinateur, mes clés USB, mon mini-disque, et puis voilà. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent Alors, ils cherchent... Ça varie, mais c'est en fait, c'est le principal, si vous voulez, ceci. C'est que lorsque je suis allé à Téhéran en décembre 2006, Jacques Chirac a tout de suite réagi. Je rappelle que je suis allé à Téhéran parce que, pour une fois, en un point de la Terre, il y avait une conférence ouverte à tout le monde sur le sujet de l'Holocauste. Officiel, oui. On a raconté que c'était une conférence révisionniste. Je suis désolé, c'est une conférence qui était ouverte à tous. Bon, alors je vais là-bas Et puis je dis ce que j'ai à dire, et Jacques Chirac annonce qu'il veut qu'on ouvre une enquête sur mon compte, que c'est tout à fait inadmissible. Et c'est à la suite de cette plainte de Chirac, de cette affaire, que la police... Continue encore aujourd'hui. 4 ans après, c'est ça ? Ma foi, oui, on en arrive... Sarkozy est le digne successeur de Chirac. On arrivera bientôt au 4e anniversaire. Alors l'enquête, elle est ouverte. Alors, ça permet... Que cherche-t-il ? Alors, il cherche, je pense, des documents... en rapport avec la conférence de Téhéran. Peut-être cherche-t-il à savoir de quels appuis j'aurais pu bénéficier dans le monde politique français. Parce que je ne peux pas le révéler, je ne vais pas donner de nom. Mais dans le monde politique français, il y a tout de même des révisionnistes, et il y en a même situés vraiment très haut. Et si je donnais les noms... Allez-y, on est entre nous. Hein, non, je ne donnerai pas... Ça ne sortira pas de cette pièce. Oui, mais il n'en est pas question. Moi, je n'aime pas le mot de persécution. Je parle de répression. Répression. Voilà. Une muscade. Oui. Ça s'est passé comment ? Parce que là, nous sommes à l'orée du parc. Un matin, comme d'habitude, vers 10h moins le quart, je suis venu dans ce parc qui est proche de l'Allier pour y promener ma toute petite chienne. Un ballon m'est arrivé dans les pieds, je l'ai repoussé du pied et à cet instant-là, les trois individus me sont tombés dessus. Ça a été extrêmement violent. Ils m'ont frappé et j'ai eu le temps de m'en rendre compte. Pour certains d'entre eux, avec des souliers vraiment très lourds, j'ai poussé des cris. Et ces cris ont alerté un pêcheur qui se trouvait là. Il aurait mis en fuite mes trois assaillants. Moi-même, j'étais pantelant. Je ne me suis pas évanoui, mais j'ai eu l'impression, en me relevant, une impression très bizarre d'avoir perdu toutes mes dents. En fait, il m'avait fracassé la mandibule. Et celui qui va m'opérer, le spécialiste de chirurgie maxillofaciale, est là et il tremble. Et il tremble pourquoi ? C'est que, paraît-il, on avait téléphoné à l'hôpital pour dire qu'on viendrait pour me régler mon compte et lui régler son compte à lui. Mon sauveteur a réussi à cravater un des trois en fuite, mais l'un des deux, qui était plus loin, est revenu avec un revolver. Alors mon sauveteur a lâché sa proie. Et puis... Alors, je pense que je n'ai pas grand-chose à ajouter, sinon que, c'est la police qui me l'a dit, le lendemain, mon nom est paru dans la presse, on a dit que j'avais été agressé, et le jeune homme a déclaré qu'il regrettait de m'avoir sauvé la vie. Et j'ai acheté la plus grande boîte de chocolat que j'ai jamais achetée de ma vie. En voici les dimensions, à peu près ceci. Et cela, je suis allé voir ce jeune homme, je sonne, on m'ouvre, je dis « je suis Monsieur Forisson », accueil glacial, glacial. J'ai essayé de parler un peu, d'accrocher, ça n'accrochait pas, mais j'avais ma boîte de chocolat, elle a été acceptée. La juge d'instruction, enfin un jour, m'envoie une convocation. Elle reste assise, ne me tend pas la main, ne me dit pas bonjour, me fait signe que je peux m'asseoir, je m'assois et elle m'a dit « je clôt le dossier ». Aucune explication, rien, et je ne pouvais rien faire. Moi, je n'ai même pas pris d'avocat, je n'avais pas le sou, tellement j'étais condamné partout, constamment, j'ai plus le sou. Je ne pouvais pas m'engager, prendre un avocat. À Vichy, aucun avocat n'aurait accepté. Et ça s'est confirmé d'ailleurs beaucoup plus tard, quand un jour, lors d'une garde à vue au commissariat, on a voulu me trouver un avocat. Ça a été complètement impossible. À chaque fois que j'ai porté plainte, on m'a répondu que c'était très mal ce qu'on me faisait, mais que c'était fait de bonne foi. D'où vient ce chiffre de 6 millions ? Voici. À Nuremberg, procès conduit par les Américains, et il y avait un lieutenant-colonel SS qui a collaboré, mais alors jusqu'au bout, avec l'accusation américaine. Il a été très bien traité. C'est à lui que nous devons des documents signés de sa main pour l'accusation américaine. Oui, qui figure dans les documents. Et qui figure, oui, qui figure dans les 42 volumes. 41 volumes pour l'édition française, puisqu'il manque un index. Bon, mais on a ça de Wilhelm Hoethe. Et Wilhelm Hoethe a osé écrire qu'il avait vu Eichmann, son collègue Eichmann, à Budapest, en, je crois, août 1944, la guerre n'était pas du tout finie, et que là, Eichmann lui a déclaré, ben voilà, nous avons tué 4 millions de juifs dans les camps d'extermination, le mot allemand étant Vernichtungslager, et nous en avons tué 2 millions sur le front de l'Est. En gros, c'est ça. Une seule phrase, rien d'autre. Je décide, dans les années 80, d'aller voir Hoethe en Autriche. Et là, il est bien précisé que je veux le voir 2 jours consécutifs. J'ai toujours besoin, quand je vais interroger quelqu'un d'important, j'ai besoin d'une nuit entre les 2 interrogatoires. Et là, pourquoi, réponse... Pourquoi ? Quel est le secret de cette méthode ? Eh bien, c'est tout simplement parce que j'ai peut-être l'esprit de l'escalier... je vois mieux les choses, je vois mieux les questions à poser. D'accord. Le lendemain. Et en général, le lendemain, je trouve, malheureusement, je trouve des témoins très fatigués. Ouais. Qui, comme par exemple, le père d'Anne Frank me dira carrément qu'il n'a pas dormi de la nuit, que bon, bon, peu importe. Toujours est-il qu'il est d'accord. Je me rends donc là-bas avec un ami, qui est moitié autrichien, moitié français, et puis de but en blanc, je dis à Hoethe, je ne crois pas à ce que vous dites dans votre fameuse affidavit. Ah bon, et pourquoi ? Je lui dis parce qu'il y a un anachronisme dans la courte phrase que vous avez employée, et l'anachronisme est le signe du faux. Hein ? Oui. Vous avez dit Vernichtungslager. Ça n'existait pas. Ce mot n'apparaîtra que bien plus tard. Il est la traduction de l'américain extermination camps. Les Allemands n'avaient pas de Vernichtungslager. Et alors là, l'événement se produit. Il me dit... Mais je ne vois pas pourquoi vous accordez tant d'importance à ce chiffre de 6 millions. Il faut que vous sachiez 2 choses. Eichmann était saoul. Il aimait beaucoup le Barax, qui est un alcool à base d'abricot hongrois. Et là, ben, je lui avais fait boire beaucoup de Barax. Ensuite, deuxième raison, il souffrait à mon égard d'un complexe d'infériorité. Pas moins. Oui, moins instruit que moi, moins ceci, moins cela. Et ce qui l'amenait à exagérer les faits et les chiffres. Autrement dit... Ce qui fait que le témoin lui-même reconnaît que les chiffres étaient exagérés. Mais absolument. Voilà. Et il ne comprenait pas pourquoi on en parlait... Parce que moi, j'en parlais, mais d'autres en parlaient. Ouais. Attendez, Otto Skorzeny a même dit que Hoettel était le fabricateur des 6 millions. Il a dit ça où Dans un de ses livres, je pourrais fournir la référence. Hein. Oui, oui. Otto Skorzeny l'a dit. Bon, voilà, pour ce chapitre. Ah, mais alors, ces fameux 6 millions... Ah, non, je n'en ai pas. Excusez-moi, je n'en ai pas terminé. Oui. Alors, nous nous retirons à l'hôtel, mon ami et moi. Ah oui, le lendemain. Le lendemain matin, coup de téléphone. Madame Hoettel, mon mari ne pourra pas vous recevoir, il est souffrant. Voilà, terminé. Fin du chapitre Hoettel. Alors, on peut quand même rebondir sur ces 6 millions, parce que il a peut-être pas dit ce chiffre par hasard, totalement. Enfin, ce chiffre n'est peut-être pas né... Exact. Alors, ce chiffre de 6 millions, alors là, je vais vous faire état d'une découverte qui n'est nullement la mienne. Il y a des révisionnistes ailleurs, notamment aux États-Unis. Et, tenez-vous bien, ça date de 2003. Il faut attendre souvent. Hein. Et il s'appelle Don Edesheimer, c'est un avocat. Il a écrit un livre que je vais vous montrer. Le voici. Ah oui. Dont le titre est The First Holocaust. Le titre est fort mauvais. Et puis le livre est un peu désordonné. Oui. Mais ce livre est très important. Voici la révélation que nous fait ce Don Edesheimer. Je trouve que la communauté des révisionnistes l'a traité presque avec indifférence, avec ingratitude. Il nous a démontré, et par photocopie, que ce chiffre de 6 millions, alors tenez-vous bien, remonte à au moins 1900. Il était courant dans la presse juive de New York. Ah oui. C'était même une sorte de slogan publicitaire d'appel de fonds. C'est extraordinaire. Dès le début du 19e siècle, constamment, vous aviez des encarts publicitaires disant « En ce moment même, 6 millions de nos frères sont en train de mourir, alors soit en Pologne, soit en Russie, et cela vise d'abord les tsars. » Oui, bien sûr. Le tsar. Puis ça vise les Polonais. Et plus tard, on reprendra le slogan et ça sera mis au compte de l'Allemagne. Et cette fois-ci, on ne dira pas que l'Allemagne est en train de faire mourir 6 millions de Juifs, mais qu'elle a réglé le compte de 6 millions de Juifs. J'oublie presque le principal, ça se terminait toujours par apporter la monnaie. Nous avons besoin d'argent. Alors, par exemple, la ville de New York elle-même, je crois que c'est vers 1927, décide de verser 6 millions de dollars. Alors, voici un exemple, le New York Times, du 11 juin 1900. Il est question des 6 millions. Voilà. Quelle année, donc ? Il y a 1900. Voilà, 1900. Et il y en a 6 millions de vivants en train de saigner, de souffrir. Ça fait autant d'arguments pour le charity. C'est ce qu'on appelle charity business. Alors, il est question de 7 millions. Parce que les chiffres quand même varient, mais le chiffre dominant, c'est 6 millions. Voilà. Ça se compte par millions en général. Et puis on dit, vous voyez, on les entasse et on les transporte comme des marchandises. Et ça date de 1916. Vous avez 1919. Alors c'est 5 millions. Alors ceux-ci sont face à la famine. Bon, les 6 millions de dollars. Ouais. Vous voyez. Bon, c'est donc, sachez ceci. À Nuremberg, la délégation américaine et, selon les dires du procureur Dodd, on trouvera ça bien des années après la guerre, c'est 70% environ de juifs qui composent cette délégation. Bon, ben, ils sont de bonne foi. Ils ont été élevés là-dedans. Ils ont entendu, on ne sait combien de fois, 6 millions, 6 millions. Ils arrivent et ils disent, bon, pas naturel, Eutel, ouais. À Eutel, je suppose, puisque lui était prêt à faire n'importe quoi pour les Américains, pour sauver sa peau de lieutenant-colonel SS, eh bien, bon, une phrase. Allez, on vous demande une phrase. Vous dites 6 millions. Ah ben, ça y est, c'est parti. C'est du lourd. C'est un livre de Jean-Claude Pressac, publié en 1989 et qui a été financé par la Fondation Beat Klarsfeld à New York. Ce livre monstrueux est fait pour répondre à un certain Forisson qui a dit notamment qu'il voulait une preuve, une seule preuve. One proof, one single proof. Une preuve, une seule preuve de l'existence et du fonctionnement d'une seule chambre à gaz. Et bien sûr, je précisais qu'on appellerait preuve ce qu'on déciderait d'appeler preuve. Mm-hmm. Moi, je ne mets aucune restriction à l'avance. Vous portez une accusation. Vous n'exprimez pas simplement une opinion ou un résultat de recherche. Vous portez une accusation. L'accusateur doit m'apporter une preuve. Je n'en veux surtout pas deux, parce que je suis habitué à ce qu'on me dise « voici un quart de preuve, plus un quart de preuve, plus une demi-preuve, ça vaut une preuve ». Non, non, car un quart de preuve, une demi-preuve ne sont pas une preuve, de votre propre aveu. Donc, une preuve. Et lui, glorieusement, me répond 39 indices. Ah, voilà. En anglais, 39 criminal traces. Traces criminelles. Voilà, vous demandez des preuves et il vous répond par indices. Et de lui-même, il répond à 10. Alors, et vous sachez que c'est Pressac qui, des années après, sera tellement humilié au procès que l'on me fait pour ma réponse à Jean-Claude Pressac, que plus tard, rentré chez lui, il rédigera un long texte qui se termine par « Eh bien, toute cette histoire officielle des camps est pourrie par trop de mensonges, on ne peut pas revenir et c'est bon pour les poubelles de l'histoire ».